Hi, this is Lee John of Imagination. Écoutez. RLM. Lee John of Imagination, you're listening to Illusion. RLM. RLM, c'est toujours aussi bon. Et là, on va continuer en musique, évidemment, et ce sera toujours aussi bon, puisque vous êtes dans l'émission 120 au compteur. Salut, c'est Harry, j'espère que vous allez bien. Je suis ce soir entouré de plein d'artistes, en fait, hein, finalement, puisque Sherlock en est un. Bonsoir, Sherlock. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ah oui, mais Sherlock, on peut le dire quand même que tu fais du kazoo. On a oublié de le dire, professionnellement parlant, tu fais du kazoo. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais pas que, puisqu'effectivement, tu es aussi notre monsieur cinéma ce soir. Oui, je suis la voix officielle de Casimir, de Gollum. Oui. Je sais pas qui encore. Ça doit pas être triste chez toi, hein, j'imagine. Non, c'est sûr. Carrément. Donc, ce soir, évidemment, donc deux chroniques incontournables. Oui. Alors, la chronique rétrociné à 21h. Ouais, donc je reviendrai. Quelle année je sais plus, attends. Ah, bravo, tu me mets la pression là de 94. Et tu sais que ça fait presque 10 ans qu'on travaille ensemble, ça fait 10 ans qu'à chaque fois qu'on te demande l'année de la sortie du film, tu dis je sais pas. Bah, c'est parce que je fais d'autres choses en fait. Après avoir fait mes chroniques, je fais d'autres choses, je dors. Et t'arrives pas à retenir une date, non mais une chose. D'accord, ok. Et ensuite, évidemment, tu nous parleras. Des sorties ciné à 21h30. Je vous parlerai des sorties ciné pour la Belgique et pour la France. Bien, alors je vous rassure, il n'y aura pas que des voix masculines ce soir, il y aura aussi une voix féminine. Oui, bonsoir. Non, je parle pas de toi, Sherlock. Oh, j'ai essayé une nouvelle voix. Elle est avec nous depuis 2-3 semaines, mais c'est juste là pour venir voir un peu, prendre la température, puisqu'on la retrouvera peut-être pour d'autres émissions. Elle est plutôt en préparation d'une émission qui aura lieu entre midi et 14h. C'est ça. Mais on vous en dit pas plus, mais elle est avec nous en attendant. On s'amuse à l'appeler notre stagiaire, mais c'est pas vrai. Mais en tout cas, elle est avec nous. C'est Marine. Bonsoir, Marine. Bonsoir, tout le monde. Comment est-ce que ça va? Ça va bien, et toi? Bah ouais, très bien. Alors, toi, tu vas nous parler d'un événement qui aura lieu donc vendredi. Donc, vendredi. Mais n'en parle pas. Mais vendredi, ici. Oui, vendredi, ici, mais n'en parle pas. Puisqu'on va recevoir évidemment l'organisateur que vous commencez à connaître. Hein, c'est Jean-Marie Houdemaker, qui va venir nous rejoindre d'ici quelques instants pour nous parler de cet événement. On parlera aussi également d'un coup de cœur. J'ai un coup de cœur pour un album qui s'appelle Fairy on a Cloud, donc de Zaharia. Je vous en dis pas plus. J'ai rencontré ce week-end et franchement, je vais pas dire que j'en suis tombé amoureux, mais presque. Je vous parlerai aussi d'un casting concernant donc une troupe de comédie musicale. On parlera aussi bien évidemment de Pierre Belmar qui nous a quittés. Oui. Pour les amis français qui le connaissent très certainement. Et puis on vous donnera aussi le résultat du championnat d'Europe de karaoké qui a eu lieu. Donc, je voulais parler de foot. Non. Du championnat donc européen de karaoké. Ok, donc qui a eu lieu en Crète. Oui. Voilà, et on vous parlera donc des finalistes et du gagnant, évidemment, puisqu'il y a eu quand même deux personnes de la région qui ont représenté la France, et on est content que ce soit un petit gars de chez nous qui est devenu donc champion d'Europe, mais on vous en parlera courant l'émission. Avant de faire la coupure musicale, je vous rappelle que d'ici quelques instants, nous allons recevoir Jean-Marie Houdemaker qui va nous parler donc d'un super événement qui aura lieu ce vendredi soir. Dans une voiture volée, près d'une villa bidon sur une zone en danger. Terrain vague amarré à la cité romaine, comme un fou décoiffé déshabille une reine. Petit jeu. trafiquante d'amour, c'est son métier. Mais ce soir, c'est l'amante d'un garçon recherché. Premier sur les hits, RLM tous les jours, le meilleur des années 80 à nos jours. RLM 107.9 FM. Et oui, donc vous l'avez bien compris, maintenant depuis quelques minutes, vous êtes, alors je sais que vous êtes sur les ondes de RLM depuis bien longtemps, mais cette fois-ci vous avez rejoint donc l'émission 120 au compteur, comme tous les mardis soirs, de 20h à 22h. Et sachez que nous sommes très heureux d'être avec vous. J'espère que pour vous c'est la même chose. Je profite de l'occasion pour vous rappeler qu'on a notre page Facebook, hein, émission 120 au compteur. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué Sherlock, mais il y a de plus en plus de gens qui rejoignent la page. Oui. Alors c'est bien, ça nous fait plaisir. Mais envoyez-nous aussi des coms parce que ça nous fait d'autant plus plaisir. Nous sommes ce soir avec Jean-Marie Demaker. Alors on le connaît pour ses soirées prestige, enfin en tout cas très connues, les nombreuses éditions qui ont eu lieu donc à la Blomerie pour les soirées 69-99 entre autres. Mais cette fois-ci on le retrouve pour un autre événement tout aussi intéressant mais différent. Marine. Oui. À toi de jouer, tu vas nous cuisiner et tu vas nous dire bonsoir à Jean-Marie, évidemment. Bonsoir Monsieur Jean-Marie. Monsieur. Marine, bonsoir et bienvenue. Jean-Marie. Donc une soirée qui se passe vendredi d'ici le 1er juin au domaine de la Blomerie. Donc avec le groupe Fred and the Healers. Donc ils ont eu un succès l'année dernière, le 21 juillet à Moucron. Et donc on voudrait savoir en quoi consiste la soirée en fait. En fait, on va essayer de créer un nouveau concept de soirée ou un concept musical qui n'a pas encore été fait. Nous allons partir d'un thème musical. On va créer une soirée en partant d'un thème musical et on va tout faire autour de ce thème musical, à savoir un DJ qui va répondre à cela et un groupe qui est un spécialiste du blues rock en Belgique, l'un des tout meilleurs groupes de Belgique d'ailleurs, et qui sont venus l'année passée le 21 juillet au parc à Moucron et qui ont fait un véritable triomphe. Donc on part sur un nouveau concept, DJ, on monte l'ambiance, le concert, et on termine la soirée et la nuit avec toujours le même style de musique. Alors le style justement, parle-nous-en, puisque c'est un style qui est un peu différent des soirées 69-99 tout de même. Tout à fait, on va dire que c'est un style qui date un peu avant 69, on va dire même début des 50-60. On est parti du blues rock parce que le groupe qui va jouer, qui va faire son concert entièrement live, est un spécialiste de blues rock. Donc on a rajouté un peu la mention blues rock and roll et nous avons travaillé que sur cette base musicale avant, pendant le concert et après. D'accord, donc comment ça va s'articuler alors? Il va y avoir un DJ. Alors on le connaît évidemment. Pimpon. DJ Pimpon. Mon célèbre ami Pimpon, oui. Alors quel style de musique il va mixer alors pour le coup? C'est lui qui va mixer. Ouais. Il va mixer de la musique qui est tout à fait proche du blues rock and roll, parce que ces gens qui sont là ont quand même accompagné sur scène des Joe Cocker, des Bon Jovi et compagnie. Oui, alors, parce que c'est vrai, on le dit très rapidement, mais disons-le plus lentement, parce que c'est quand même pas rien d'avoir joué avec Bon Jovi, ouais, avec Joe Cocker. Il y en a d'autres aussi également, Marine. Ils ont joué aussi également avec Arnaud. Arnaud, ah oui, évidemment. Ah oui. Los Lobos. Ah ouais, Los Lobos, c'était la bomba, hein, je oui, me rappelle. Oui, c'est ça, ouais. Los Lobos, c'est la bomba. Richie Valens, c'est Los Lobos. Ouais. Non. Pas à l'époque, quand même. Ça m'étonnerait que Fred de Healer, c'est Richie Valens. Non, Los Lobos, ils ont accompagné, terrible, ouais. Voilà, et ils se produisent couramment sur Bruxelles. Que ça soit au Botanique, que ça soit à l'ancienne Belgique, dans les plus grandes salles d'Allemagne et compagnie. Voilà, alors si, pour ceux qui ne connaissent pas l'ancienne Belgique, c'est l'équivalent de l'Olympia en France, hein, quand même, faut le savoir. C'est pas une petite salle. Hein. Ah ouais, non, mais carrément. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur cet événement juste après ça, Sherlock. Oui, après Bon Jovi et Living on a Prayer. Vu qu'ils ont joué avec, on va les écouter. We'll be right back. sur la fréquence, premier sur le hit, RLM, 107.9 FM. Et donc c'était Living on the Prayer de Bon Jovi. Donc on est avec Monsieur Jean-Marie. Pardon. Monsieur, mais toi tu as pris du grade Jean-Marie. Ça fait tout drôle, tu peux enlever le monsieur quand même. Bon Jean-Marie, d'accord. Ouais, donc pour la soirée vendredi au domaine de la Blommerie, donc avec le groupe Fred and the Healers pour une soirée blues et rock'n'roll. Pardon. Elle est intimidée, hein, Jean-Marie. Tu l'intimides en fait, hein. Je pense. Mais ouais, mais c'est ça. Je crois que c'est que ça. Mais ça doit être ta grosse voix, je pense. Ouais, voilà, non, en ouais. fait, on va rajouter quelque chose, c'est que le bel argument de cette soirée également, c'est que Fred and the Healers ont déjà sorti 5 albums. Vendu plus de 30 000 exemplaires. Et depuis le mois de juillet, lorsqu'ils ont quitté Mougron, ils préparent leur 6e album. Donc ils l'ont fait, ils sont passés en studio, ils n'ont plus fait aucun concert. Et ils devaient sortir leur 6e album, donc leur nouvel album, au mois de mai, mais pour des raisons de studio ou des raisons techniques, cette sortie est reportée à septembre. Donc nous aurons le plaisir d'avoir à Mougron le groupe qui va nous présenter son 6e album en exclusivité. Bien, et okay. précisons que Fred and the Healers, ce sont des compositions, parce que ce n'est pas des reprises. Il n'y a pas de cover chez eux, ce ne sont que des compositions. Alors les inspirations justement du groupe, alors bien sûr évidemment blues rock, mais ils ont des inspirations particulières. Est-ce qu'on peut, alors je sais parfois on a tendance à mettre des étiquettes sur des groupes, mais si on devait les comparer à d'autres groupes, ils ressembleraient à quel type de groupe? Quel type de groupe, je sais pas. Je sais qu'ils s'inspirent, mais que leur musique va un peu dans le sens des grosses pointures qui ont fait merveille partout. Mais ça va aussi bien de Johnny Winter, ça va du B.B. King, ça va des Beatles, des Rolling Stones, ça va du Sam & Dave, qui est un peu soul, mais qui faisait partie aussi de ces pointures qui ont créé le blues rock. Ouais. Et voilà, donc ces gens-là se rapprochent également de CCR, de Creedence Clearwater Revival. Donc tu adores les créateurs de Paul Murray. Ouais, bien sûr. Bien, c'est vrai, ils ont un palmarès étonnant. Voilà, c'est du John Hooker, Johnny Rivers, voilà, c'est toute leur cette composition musicale qu'on va essayer de redonner. Avec en plus le concert et la présentation de leur nouvel album. Alors donc c'est vraiment une double occasion, quoi, une triple même occasion, c'est-à-dire que vous allez pouvoir danser en première partie sur du rock and roll, et vous allez assister au concert de Fred and the Healers. Fred and the Healers, et vous terminez toujours donc la soirée à pas d'heure évidemment, parce que c'est jusqu'au bout de la nuit évidemment, au son donc de la soul et du rock and roll. Et je dis ça bien, le rock and roll. T'as vu ça? Je dis ça bien. Alors ça se passe ce vendredi-ci. Alors ce vendredi-ci, nous sommes à J-3. Ah oui, donc c'est ce vendredi à partir de 21h. Une chose importante, et on me l'a demandé assez souvent, il y aura une centaine de places assises, mais sans aucune réservation possible. Donc si vous êtes là à 21h, vous aurez la chance de pouvoir bénéficier d'une place assise. Le reste va se passer de vous, avec une sonorisation tout à fait professionnelle et une ambiance que je pense assez débordante de folie. Si c'est dans la même lignée que les soirées 69-99, c'est-à-dire au niveau technique, hein, évidemment pas au niveau musical, je peux vous dire que ça va assurer. Hein. C'est clair. D'autant plus que ça se passe à la Blommerie. Alors, on commence à bien connaître, c'est un super bel écrin. Il y a des préventes. Il y a des préventes, on a essayé, parce que bon, ces gens se produisent sur Bruxelles, sur Liège, dans d'autres pays, le Canada et autres. Dans les salles où ils passent, les entrées sont aux alentours de 15 à 20 euros, mais je trouve que pour nous à Mougron, on doit essayer de jouer juste et viser juste pour une première. Donc nous avons tiré ça au minimum, et je pense que pour un concert c'est très rare, les préventes sont à 7 euros. Ouais, ça peut même faire peur des fois, parce voilà, que on peut penser terrible, que le groupe ne vaut pas la peine de mettre 7 euros, mais il les vaut largement. On devrait en demander 15 ou 20, mais on va rester sur 7 euros. Et pour les gens qui n'auront pas d'entrée, ce sera 10 euros le jour même à partir de 21h. Et précisons que c'est 10 euros pour la totalité de la soirée, avec le DJ en première partie, le concert et la fin de soirée. Vous pouvez y rester évidemment, hein, parce que des fois on dit tiens, on rajoute un peu d'argent pour assister à la soirée. Non, c'est toute la soirée. Il reste encore quelques places. Alors je vous conseille évidemment de le faire en pré-vente. Il y a plein d'endroits hein, où on peut. Il y a beaucoup d'endroits dans Moucron. Il y a le plan B, je sais. Regardez un peu Facebook, vous regardez un peu la page Facebook où les pubs arrivent. Vous aurez l'adresse de 6 endroits ou 7 endroits où on peut trouver les préventes, et on va trouver les préventes jusque 21h le vendredi. Ah bah voilà. Ah c'est cool. Ah bah oui, carrément. Voilà. Donc, vous sortez d'un resto, vous avez envie de vous détendre, vous dites tiens, il y a une soirée à la Blom. Il est 20h30, on passe chez un des points de vente et on récupère directement ses préventes à 7 euros. Alors, un conseil, faites vite parce que ça se remplit très vite. Et c'est pas peu dire, je peux vous le dire, je peux vous le garantir. Il reste que quelques dizaines de places, donc n'hésitez pas donc à aller à l'info. Nous on a relayé l'info hein, sur la page Facebook, mais il existe aussi une page Facebook, évidemment, qui est dédiée à l'événement. Vous regardez simplement ma page Jean-Marie Audemaker. Voilà, c'est tout simple. C'est hein. Et là, vous avez 42 pubs. Oui, différentes. Comme sur la page RLM d'ailleurs. Donc, vous regardez la page de RLM, vous allez trouver automatiquement la pub du 120 à l'heure et vous allez trouver la pub de la soirée. Bon, on va y revenir hein, de toute façon, évidemment, sur cet événement, puisque tu es avec nous pendant toute la soirée. Voire plus. Ah bah voilà, il n'y a pas de souci. Sherlock, on va peut-être rester dans le sale rock ou pas? Bah oui, dans le rock'n'roll. Mais du rock'n'roll français ce coup-ci. Ah, oh, je sens un petit téléphone là. Ouais, c'est poindre ça. Du nez. C'est ça, ouais. C'est vraiment toi. Ah, je sais que c'est moi, mais sinon... Bah ça, c'est vraiment toi. Ah bah c'est pas mal. Allez, bon, on est parti. musique que vous aimez, c'est sur RLM. RLM. Évidemment, dans l'émission 120 au compteur, comme tous les mardis soirs, avec Jean-Marie Houdemaker, qui nous parle évidemment donc de ce merveilleux événement qui aura lieu donc ce vendredi soir, donc à la salle de la Blomerie. C'est Fred and the Healers. Donc c'est une soirée sous le signe de la soul et du rock and roll. Donc c'est prometteur. On vous en parlait tout à l'heure. Alors pour ceux qui nous rejoignent, c'est que c'est pas n'importe qui. C'est quand même un groupe qui a vendu plus de 38 000 exemplaires. 30 000 albums. Alors je crois que de mémoire, 50 000 albums maintenant c'est disque d'or. Oui, il me semble, ouais. C'est disque d'or, c'est 50 000 albums, donc ils sont pas loin du disque d'or hein, quand même, parce qu'à la mi-près, quand on a vendu 30 000. Alors effectivement, ils sont très connus, peut-être pas du côté du Hainaut, peut-être un peu moins. Du côté du Hainaut, voilà. Plus connus sur Bruxelles, sur Liège, Namur. Ils sont d'ailleurs originaires un peu de cette région. Et alors ensuite, l'Allemagne, l'Italie, la France, le Canada, où ils ont joué pas mal aussi. Alors, promis, on va essayer de choper un titre là d'ici quelques minutes pour vous le faire écouter, pour que vous vous rendiez compte qu'effectivement c'est un groupe hors pair et que ça vaut vraiment le coup de vous déplacer donc à la Blomerie, d'autant plus que c'est à prix démocratique, prévente 7 euros et sur place 10 euros. Alors franchement, faut pas vous gêner. On va revenir là-dessus, évidemment, Jean-Marie. Alors moi je voulais ouvrir un petit carnet noir, mais on va faire ça toutes les semaines hein, parce que alors une figure emblématique évidemment de la télévision française nous a quitté, Pierre Bellemare. Oui. Ouais. Donc alors pour ceux qui ne le connaissaient pas, ça a quand même été celui qui a créé le téléachat à l'époque, et je parle de ça, Jean-Marie a dû connaître à mon avis le téléachat. C'est pas tout neuf, oui. Voilà, avec Maryse. Voilà, je me souviens, c'était avec Maryse. Et pour 99 francs, tu vois, bon, je fais très mal, mais et il a fait plein de choses. C'est lui qui avait aussi lancé des émissions type Perdu de vue, hein, à l'origine, quand Jacques Pradel avait fait Perdu de vue. Lui, il avait déjà bien avant créé une émission où il allait rechercher les enfants d'un tel, enfin bref, il a fait de la radio évidemment. C'est lui qui a également importé le prompteur en France. Exact. Ah ouais, en provenance des États-Unis. Ouais. Il était parti aux États-Unis et il a vu le prompteur en fait que maintenant quasi tous les journalistes télé utilisent, enfin même les animateurs, et il a ramené ça en France. Donc avant tout le monde travaillait avec des fiches. Depuis la plupart travaillent avec un prompteur. Sauf quelques-uns, mais ils sont encore très très rares. Il y a notamment Jean-Pierre Pernaut comme... Non mais lui il travaille avec des fiches. Il travaille avec des fiches et il n'y a pas de prompteur lui. Hein. Mais ça s'entend hein, des fois quand même. Oui, mais c'est l'un des rares, mais c'est authentique, tu vois. Oui, absolument. Absolument. Et je sais pas si s'il y en a un qui a un problème de prompteur, s'il arriverait à reprendre aussi bien que Jean-Pierre Pernaut. Ah oui, non mais en plus il est indécrottable, Jean-Pierre Pernaut. Ça fait combien de temps qu'il présente le journal télévisé? Ça fait quand même plusieurs années. Alors moi j'ai eu aussi, j'ai entendu une rumeur. Non, je sais pas si c'est vrai, mais il paraît. Alors je déteste ça, les rumeurs, mais ceci dit, c'est une rumeur qui tourne beaucoup, c'est que Pierre Bellemare était bigame. Il avait deux femmes. C'est ce qu'on m'a dit. Je sais pas. Ah ouais, faudrait regarder dans les rubriques People, mais on m'a confirmé qu'effectivement il avait deux femmes. D'accord. Ah ouais, qu'elles étaient toutes les deux consentantes forcément, mais alors je pense qu'il était marié avec une et puis il avait une deuxième. Oui, bah oui. Mais donc voilà. Donc effectivement, on peut le dire quand même que c'était une grosse figure de la télévision française, de la radio aussi également, qui nous quitte. Alors il avait quel âge déjà, je me souviens plus. 88 ans. 88 ans. Donc voilà. Donc un petit hommage à Pierre Bellemare, ça va être un peu compliqué. Je sais pas s'il a chanté. On se posait la question. Il a chanté sur la fin. Il a chanté sur la fin. Alors, il a été chansonnier peut-être. Non. Il a vraiment chanté il y a quoi, 3-4 ans. Exactement. Il avait fait un album. Mais c'était des chansons. Des reprises, j'imagine. Ouais, c'était des reprises. Un peu comme Bruel avait fait, je pense, à une époque. Ah oui, avec... Il a voulu montrer qu'il savait faire de la chanson mélancolique. De la chanson douce, de la chanson à texte. D'accord. Donc voilà, donc hommage à Pierre Bellemare. Et on va se retrouver tout de suite après Olivia Newton-John. Xanadu. Oui. Ah ça j'adore. Et Hello, donc Electric Light Orchestra. Ouais, alors c'est marrant. Est-ce que tu l'as vu, Jean-Marie, la comédie musicale Xanadu? Pas du tout, j'ai pas eu l'occasion. Eh ben, je pense que personne ne l'a vu, honnêtement. Non, j'ai pas vu. Je sais pas si ça a marché, cette comédie musicale. Alors, je crois que c'est venu juste après Grease. Je l'ai vu, parce que moi, j'adorais Olivia Newton-John, et j'adore toujours d'ailleurs Olivia Newton-John. Je n'ai jamais rien compris à l'histoire. D'accord. Jamais. Par contre, cette chanson-là, je l'adore, Xanadu. Bon, c'est là, d'ailleurs, c'est la chanson, c'est du titre du film, Xanadu. Ben oui, bien sûr. Pierre sur la fréquence. Premier sur les hits. Premier sur les hits. RLM, tous les jours. Le meilleur des années 80 à nos jours. RLM. RLM. 107.9 FM. Et oui, toujours dans l'émission 120 au compteur. Et vous commencez à l'apprendre par cœur. Ah tiens, je fais des vers sans en avoir l'air. La poésie sans en avoir envie, mon Dieu, il fallait que je le sorte celle-là. J'espère que vous allez bien en tout cas. On fait comme on peut, hein, Sherlock. Bah ouais, Canon n'est pas là, Onissa n'est pas là, mais on a Marine. Oui, je suis là. Qui va toujours aussi bien, évidemment. Bah oui, toujours. Ah bah t'as intérêt de toute façon. On a aussi Jean-Marie qui est avec nous, Jean-Marie Oudemaker, pour ce bel événement qui aura lieu donc ce vendredi 1er juin, donc à partir de 21h. 21h, oui. Voilà, parce qu'il n'est pas marqué sur le flyer, justement, l'heure. Non, sur le flyer, il a été fait vite fait, mais c'est vrai qu'à partir de 21h, ça va ouvrir les portes. Et à partir du moment où les portes sont ouvertes, eh bien, il y aura une centaine de places assises. Et bienvenue à ceux qui viennent de bonne heure pour pouvoir s'installer. Bon, je connais beaucoup de personnes qui viennent de loin pour les voir et pour entendre leur nouvel album, dont nous aurons l'exclusivité. Donc ces gens qui ont fait 100 ou 150 km m'ont déjà téléphoné en demandant s'il y avait moyen d'avoir quelques places assises. Donc nous en avons mis une centaine, malheureusement sans aucune réservation possible. Voilà, donc le premier donc, soyez là à l'heure, à 21h, et on vous garantit une soirée mémorable. Eh ben je ne doute pas, donc c'est ce vendredi 1er juin. Tiens, dis donc, je parlais de Canon tout à l'heure, belle transition, puisqu'effectivement donc Canon nous revient de la crête, on en avait parlé. Oui. Puisque a eu lieu donc le concours européen de karaoké. Alors le concours européen de karaoké, attention, hein, c'est des gens, il faut s'accrocher quand même, parce que c'est pas juste du karaoké, c'est des gens qui savent vraiment vraiment chanter et qui envoient du lourd. Et bah, j'ai eu l'occasion effectivement de faire partie du jury pour les présélections. Et deux personnes sont parties en Crète, Richard Alexandre et Kaina. Oui. Et Richard Alexandre est devenu donc champion d'Europe de karaoké. Voilà. Alors si ma mémoire est bonne, je pense qu'il est de Touflers ou de Tourcoing. C'est Kaina qui est de Touflers. Voilà, donc juste Kaina, elle est arrivée quatrième. Hein. Voilà, absolument, absolument. Et alors, ça m'a fait sourire quand même parce que Richard a gagné la finale avec la chanson You Raise Me Up. Ça, j'étais mort de rire quand j'ai vu ça. Voilà, donc petit clin d'œil à Canon qui aime beaucoup chanter cette chanson You Raise Me Up. Et une bonne nouvelle ne vient pas seule puisque on va les recevoir la semaine prochaine. Oui. Voilà, donc Richard, Alexandre et Kaina viendront donc la semaine prochaine. Kaina aura l'occasion d'ailleurs de nous faire écouter quelques-uns de ses titres, tout comme Richard, et nous parlerons donc de leur expérience qu'ils viennent de vivre donc en direct de la Crète pour le championnat donc Euroquet, ça s'appelle Euroquet, donc le championnat donc européen. En sachant que très vite il y a le championnat du monde qui est lancé. Il a été qualifié de cette là pour le championnat du monde. Voilà, donc il y a le championnat du monde qui va démarrer là, je pense avant la fin de semaine. Donc renseignez-vous, ça s'appelle Icing. Et là donc du coup ça se passe aussi donc au Singing Studio à Lille. Alors ça c'est une autre paire de manches hein, parce que là du coup la finale c'est sur Paris avec Jantel qui est la marraine donc de l'événement. Et pour gagner une belle somme d'argent dont j'ai oublié la somme, mais c'est plutôt intéressant quand même. C'est plutôt intéressant. Donc voilà. On va se retrouver juste après une petite coupure musicale. Ouais. Et puis on va rechercher là, essayer de retrouver quand même un petit titre de Fred and the Healers. Je crois que Marine va nous aider là-dessus. Allez, je vais essayer. Ok, c'est parti. On se fait confiance. À l'arrière des berlines, en devine. Juste une paire de demi-dieux, livrés à eux. Ils font des petits, ils font des ennuyeux. À l'arrière des dauphines, je suis le roi de Sénat. À qui sourit la vie. Marchez sur l'eau, évitez les péages. détruire, juste faire hennir les chevaux du plaisir. Osez, osez Joséphine, osez, osez Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Usez le sourire, usez le sourire, soyez ma muse. Et que ne dure que les moments doux, dure que les moments doux. Et que ne dure. Osez, osez Joséphine, osez, osez Joséphine. Mais rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Osez, osez. Joséphine, osez, osez Joséphine. Rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Toute la musique que vous aimez, c'est sur RLM. Et c'est pas faux, parce qu'effectivement, sur RLM, vous allez entendre de la musique à la fois des années 80 jusqu'à aujourd'hui, bah, tout type confondu, hein, bien évidemment. Et donc, bah, vous en êtes témoin, puisque dans l'émission 120 au compteur, on a le plaisir de vous passer tout type de titres, variété francophone, belgophone, anglophone. Bientôt, il y aura du Annie Cordy, parce qu'on sait que ça fera plaisir à Arnaud. Et du grand Jojo. Et du grand Jojo à Arnaud Tira, évidemment, qui s'occupe de la matinale tous les matins de 7h à 10h, donc sur l'antenne de RLM. En attendant, nous sommes toujours donc avec Jean-Marie Woodemaker pour le fameux concert. Donc, alors tout à l'heure, je disais Soul, mais c'est pas vrai, c'est le concert Blues Rock and Roll. Donc, rappelle-nous un peu pour les gens qui viennent de reprendre l'antenne, comment va se passer la soirée, donc vendredi. La soirée de vendredi, c'est un peu un nouveau style, un nouveau concept de soirée dansante, musicale et autres. Nous sommes partis d'un thème musical. Cette fois-ci, nous avions un groupe donc, qui était spécialiste du blues rock, Fred and the Earth, qui était déjà passé à Beaugrand. Donc nous sommes partis d'un style musical. Le thème, c'est le blues rock. Et on associe à cela un concert avec un DJ avant, le concert après, et le DJ after. Donc ça veut dire qu'on doit créer l'ambiance en gardant toute la soirée le même thème musical, mais il est tellement grand ce thème musical, ah oui, absolument, qui va du blues, du rhythm and blues, du rock, du rock and roll. C'est pour ça qu'on a déjà cité notamment le 10 Years After, ça fait partie de cela, AC/DC, Led Zeppelin, Creedence Clearwater, Bon Jovi, voilà. Voilà, donc c'est très très ouvert, et comme ce groupe ne chante que leurs propres morceaux, nous allons nous passer tous les standards du rhythm and blues avant et après. Alors qu'une histoire d'une petite mise en bouche là pendant quelques heures, pour le concert démarre vers quelle heure? 22h, donc une petite mise en bouche à partir de 21h pour vous mettre dans l'ambiance. Ensuite, ils vont vous mettre le feu, évidemment, pour presque plus de 2h de concert quand même. Presque 2h de concert, ouais. Il y aura une pause, mais presque 2h de concert. Parce que quand c'est du rock, à mon avis, c'est bien chaud et voilà. Ah. Il y aura évidemment de quoi se rafraîchir et se restaurer. Largement. Ouais, j'imagine. Largement, de quoi se rafraîchir, et nous aurons sans doute dans la cour, comme d'habitude, un food truck. Ouais. Pour pouvoir se restaurer un peu durant la soirée, durant la pause, après la soirée. Avant de rentrer, c'est meilleur. Ça marche. Alors moi, rapidement, j'ai eu l'occasion de rencontrer une artiste hors pair aussi également, que j'ai rencontré donc ce week-end lors donc d'un spectacle. J'ai fait sa connaissance. Alors, je vais reprendre son album parce qu'elle a un nom. Donc c'est Zaharia. Zaharia. Alors, j'espère que je prononce bien, j'espère qu'elle va pas m'en vouloir, mais elle vient de sortir donc son dernier album, et c'est plutôt ça, on n'est pas très loin de l'univers blues, et son album s'intitule Fairy on a Cloud, donc une fée sur le nuage, tout un programme. Et là, j'ai envie de, c'est un petit coup de cœur, j'ai envie de vous faire passer l'un de ses titres de son dernier album, qui s'intitule donc Devenir grand, et m'a fait la promesse donc de venir nous voir et de vous présenter donc son album. Je vous invite franchement à aller sur internet et vous taper donc Zaharia, donc Zaharia, pour son album donc Fairy on the Cloud. Et là, je vous propose de découvrir Devenir grand, l'un des titres, donc l'un des 14 titres de cet album. L'un de ces 14 titres de cet album. FM. Yeah. your veins. FM. Et oui, donc c'était Fred and the Healers avec Roots and Roses. Alors Fred and the Healers, profitez de l'occasion si vous avez aimé le titre, évidemment l'occasion d'aller. Elle est là, elle est vendredi dans 3 jours maintenant. Ils se produiront donc pour un concert live complet, quasiment 2 heures de musique, 2 heures de présence sur scène. Et on passera toute la soirée de vendredi à partir de 21h. À faire et à danser et à chanter sur du blues rock and roll qui est très très, c'est une très très large palette. Mais oui, j'avais même envie de dire que c'est plus large que 69-99 finalement. C'est presque aussi large que 69-99 parce que bon, oui. Tous les grands créateurs, on a démarré, il ne faut pas oublier qu'on a démarré avec des Little Richard, avec des Jerry Lee Lewis, avec des Beatles et Rolling Stone qui ont donné naissance un peu à toutes ces musiques. Et alors après, il y a eu les rois de du blues rock. Et le groupe qui sera vendredi est quand même un des meilleurs groupes belges dans ce style de musique. Oui, parce qu'on rappelle effectivement 30 000 albums vendus et que effectivement l'événement, c'est que c'est pour la sortie de leur dernier album. Ils présenteront. Est-ce qu'ils le vendront aussi? Non, non, l'album sortira en bac à partir du mois de septembre. D'accord. Vous aurez l'exclusivité d'entendre les nouveaux morceaux de ce nouvel album, le 6e. Et il sortira véritablement en septembre. Voilà, alors donc si on veut plus d'informations, évidemment, il y a la page Facebook, l'événement, et vous tapez directement Fred and the Healers, donc Healers, H-E-A-L-E-R-S. Donc là, vous aurez toutes les informations. Tiens, je vais poser une question piège à Marine. Oula. Oui, si je te dis Blues and Rock and Roll, tu dirais quel groupe, quoi? Fred and the Healers. Ah. Elle perd pas le nord, attention, au sens de la répartie. Belle réponse. Non, mais sinon. Tout à l'heure, on a parlé de B.B. King. Oui. J'aime bien B.B. King. C'est vrai. Donne-nous un titre de B.B. King, tiens. Lucille. Ah non, ça c'est Little Richard. Non, sa guitare, c'est Lucille, à B.B. King. Ah, mais Lucille, on est bien d'accord que c'est Little Richard. Mais moi, je la connais que de B.B. King. Bon, c'était peut-être King piège quand même. Ah, B.B. King l'a reprise, mais alors Jean-Marie. C'est une époque où chacun reprenait un peu les chansons. Et ouais. Il y a eu des titres qui ont fait le tour, les titres de Bill Haley, les titres de Jerry Lee Lewis, les titres de Little Richard ont fait le tour. Ensuite, ils ont été repris par des Elvis Presley. Donc, ce sont des monuments de la musique. Quoi. Ouais, d'accord. D'ailleurs, on peut le préciser, c'est que Jerry Lee Lewis tourne encore. Il tourne encore. Oui, c'est le dernier alors je sais plus comment ils appelaient ça. Si Flip Cat était là, il nous le dirait. Oui, sûr. Qui s'est marié d'ailleurs avec sa jeune cousine. Oui. Voilà. Voilà. Il y a eu une drôle d'histoire avec ça. Il y a eu un film d'ailleurs là-dessus qui s'appelle Great Balls of Fire. Ah oui, bah, il y a des titres phares de. Ça, c'est un titre phare de chez. Voilà, absolument. Donc cette ambiance-là, vous allez la retrouver donc à la Blomerie ce vendredi soir, donc à partir de 21h. Alors. Encore une fois, j'insiste fortement, allez vite réserver. Donc il y a plein d'endroits où vous pouvez aller chercher les préventes, c'est 7 €. Ils sont tous là les endroits. Alors vous pouvez aller à la friterie du jour, à la Barrière à Moucron, au Donaldson, au Plan B, le Petit Gourmand à la rue du Christ, à la Table d'Amis, à la station Q8 à Neschin, chez notre ami Stéphane. Voilà, donc n'hésitez pas, les préventes c'est 7 € et le soir même c'est 10 €. Sachez que les préventes c'est jusque 21h, donc même juste quelques secondes avant l'ouverture de la salle, vous pouvez encore essayer de choper des préventes. Ça va la Blomerie, les préventes ça va être à 18h. Voilà, donc nous on sera certainement juste devant la Blomerie pour faire des préventes à 8 €. Et ce sera un business à faire, ça dit donc. C'est pas mal, ça nous intéresse. On est preneurs. J'ai pas dit qu'on allait traverser. C'est du business. Hein. Business is business. Bon, écoute, il nous reste rien du tout puisque tu vas nous parler d'un film de 1900. Ouais, juste après une petite chanson quand même. Et je crois qu'elle va te faire plaisir. C'est les Guns N' Roses avec Since I Don't Have You. Alors, ça, j'aime beaucoup et je pense que là, on peut parler de blues. Oui. Oui, alors ça date de 53, la chanson de base, c'est les Skyliners qui l'avaient chanté. Ouais. Et donc là, c'est une reprise qui date de 94, donc des Guns N' Roses, juste avant que le groupe ne se sépare. Voilà, alors c'est marrant parce que c'est une chanson là où on les attendait pas du tout, qui ne ressemble vraiment pas du tout à toute la discographie de Guns N' Roses, faut être honnête. En fait, c'était sur un album de reprises. Exclusivement, c'est toutes des reprises. L'album s'appelait Spaghetti Incident. Ah oui. Et donc ils avaient repris de mémoire, ils avaient repris du Skyliners. Ils avaient repris, c'était Black Leather, c'était de un groupe punk. Mais il y a eu vraiment plein de reprises. Et celle-là, moi j'adore. Et celle-là, bah oui. Alors ça, c'est un slow. J'invite Jean-Marie à inviter Marine à danser pendant ce titre-là. Rappelle-nous le titre parce que je l'oublie à chaque fois. Since I Don't Have You. Ouais, tu connais Marine, j'espère. Je vais voir ça. Je suis sûr que tu vas l'entendre surtout. Écoute ça, tu vas reconnaître tout de suite. 107.9 FM. C'était donc Guns N' Roses avec Since I Don't Have You. Mais qu'est-ce que j'ai dansé là-dessus. Oui, comme beaucoup. Alors bon, là je vais vous parler d'un film sans transition. On passe complètement du coq à l'âne. Donc je vais vous parler d'un film qui date de 1994, et plus précisément du 26 octobre 1994. Si Onissa était là, elle me dirait que c'était un mercredi. Ouais, mais elle n'est pas là, donc elle le dira pas. Donc voilà. Et le film est un film de Chuck Russell. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, Chuck Russell. La musique est de Randy Edelman. Non. Non plus, non. D'accord. Bon, c'est pas grave. Dans les acteurs, nous avons Peter Riegert. Oula. Amy Yazbek. Alors Amy Yazbek, elle jouait Marianne dans Sacré Robin des Bois de Mel Brooks. Oula, oui, voilà. Ok, ouais. Peter Green, et je vais vous laisser les deux acteurs principaux pour tout à l'heure. Le film a fait 3 779 131 entrées au box-office français. Ah, pas mal quand même. C'est pas mal, oui, effectivement. Et il a reçu deux prix. Donc un BMI et un prix au film de Catalogne. C'est quoi le BMI? Ouais, donc c'est un film espagnol déjà. Non, pas du tout. Ah, c'est marrant ça, tiens. Non, pas du tout. Et il a eu 9 nominations, notamment aux Oscars, aux Saturn Awards, aux BAFTA, aux Golden Globes et un prix Hugo. Un prix Hugo, c'est un prix français. J'imagine. Ouais. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous donner? Ah bah peut-être le thème du film. Écoutez bien, c'est celui-ci, peut-être que ça va vous parler. Du tout. J'aime bien parce que la musique elle est assez connue. Ah ouais. Mais elle peut troubler parce que c'est pas du tout ce qu'on penserait pour ce film. Alors. C'est plutôt comique. Oui, c'est plutôt comique, effectivement. La musique, ça me fait penser à du Spielberg. Tu peux parler au micro si tu veux. Ouais. La musique, ça me fait penser à du Spielberg. Du Spielberg. Non, c'est pas du Spielberg, c'est Chuck Russell. Si t'avais écouté, style... c'est Chuck Russell. Non, j'avais écouté, mais dire le style. Mauvaise. Ouais. Si t'avais pas été dérangé par Jean-Marie. Alors, je vais vous donner un extrait du film. Écoutez bien, et là, je pense que ça va vous mettre vite sur la voie. Écoutez ça. Allons-y, Fred Astaire. Je te donne 3 secondes pour me dire où t'as planqué mon argent. Ok. Bien sûr. J'en ai placé 17,5% en bons du trésor à un an et en 6 caves, plus 8% en actions. Je pose 2 et je retiens 9, moi l'âge du capitaine. Mais vous avez beaucoup de chance, les fleurs et les couronnes sont déductibles. Alors moi j'ai un indice. Oui. En français c'est Sancho et en anglais c'est Peter. Oui. Voilà. Effectivement c'est Pete en anglais. Mais ça veut dire Peter. Hein. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Bah, d'ailleurs, je vais le passer après. Bien sûr. Alors, après. Ouais, j'ai trouvé. T'as trouvé? Ouais, ah, j'ai trouvé. Ouais. Bon, on va la garder, hein, Marine. Bah oui, bien sûr. Jean-Marie. Jean-Marie. Alors, Jean-Marie, je vais te passer un autre extrait. Écoute, ça va peut-être te donner une idée du film. Ciao, ragazza. Me revoilà. Je suis venu te dire que tu me plais. Que je vais te chanter une canzone d'amour, oh sole mio! Catarina, Catarina, chic, chic, un petit baiser, chérie. Je vous ferai voir ma grosse gondole et ma belle tour de Pise, et puis je planterai ma grosse fourchette dans vos rêves de lit! Elle est si douce. J'adore cette fille! Alors, pour ceux qui n'ont pas trouvé, je vais passer. Ah oui, je sais pas ce qui s'est passé dans le studio, mais c'est bien passé à l'antenne. Oui, c'est quoi? C'est un extrait? Oui, c'est un extrait de dialogue. Je vais vous passer une chanson tirée du film. Écoutez bien. Ils le font mieux, attends. Oui, ouais, je me doute, ouais. Ah, Cuba. J'ai la sancho pour la rumba. Un joie des maracas se fait tchik tchik tchik et boum tchik tchik et boum. C'est moi Sancho le cubain, la coqueluche de tous les voisins. Et puis quand je danse tout redevient tchik tchik et boum tchik tchik et boum. Les señoritas elles chantent, elles dansent comme ça, elles balancent comme c'est charmant. Plein de piment. La fièvre de la rumba, si elle te prend, ne résiste pas. Comme une fille qui s'offre à toi. Ouh, si tu aimes le tempo, viens donc danser avec Sancho. Et tu chanteras tchik tchik et boum, tchik tchik et boum, tchik tchik et boum. Je suis sa Paquita, car ce gars-là c'est le roi de la Havane. J'adore. J'adore, forcément. Forcément, alors ça vous dit quelque chose? Ah bah évidemment, alors on va demander à Jean-Marie parce qu'on peut lui demander la réponse. Oui, bien sûr. The Mask. Oh, bravo. Mais bon, là pour le coup, avec ce titre-là, on en trouve tout de suite, forcément. Oui, bah ouais, forcément, mais ouais. C'est le titre emblématique du film. Bien sûr. Alors donc, et les deux acteurs principaux du film sont donc... Il y a Jim Carrey. Ouais, Jim Carrey, effectivement. Alors le deuxième par contre... C'est une femme. Et elle est connue. Ah, oui, très connue. Ah bah oui, évidemment, c'est celle qui a joué dans Marie à tout prix. C'est ça. Cameron Diaz. Cameron Diaz, effectivement. Alors il faut savoir que le film est tiré du comics du même nom, édité chez Dark Horse. Milo, le chien de Stanley, par contre, n'existe pas dans le comics et a été inventé pour le film. D'ailleurs, le comics est beaucoup plus violent et sanglant que le film. Il faut savoir que le film a été très édulcoré. Ils ont gardé vraiment la partie comique, qui existe également un peu dans le comics. Oui. Mais là, ils se sont vraiment concentrés là-dessus. Alors, on parlait de Cameron Diaz. C'est le premier rôle de Cameron Diaz au cinéma. Elle avait à l'époque 19 ans. Ah ouais. C'était une toute jeune actrice. C'était bien avant Marie à tout prix. Oui. Alors il faut savoir que Matthew Broderick, Steve Martin, Rick Moranis et Martin Short, donc Martin Short c'est celui qui avait joué dans L'Aventure Intérieure, ont été envisagés pour le rôle de Stanley Ipkiss, qui a été repris par Jim Carrey. Bah oui. Le studio avait pensé à Anna Nicole Smith, Christy Swanson, Vanessa Angel. Donc Vanessa Angel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Lisa dans la série Code Lisa. Et Vanessa Williams pour jouer le rôle de Tina Carlyle, donc qui est jouée par Cameron Diaz dans le film. Et cette dernière, bien que n'ayant pas été retenue pour le rôle, a été gardée quand même pour chanter la chanson que l'on entend à la fin du film. Le studio avait envisagé par contre Richard Gere pour jouer le lieutenant Mitch Calloway, donc qui poursuit Stanley Ipkiss et donc The Mask pendant tout le film en fait. Ah, ça aurait été marrant. Ouais, ça aurait pu être sympa. Ouais. Donc à la place ils ont pris Peter Green. Ouais, Peter Riegert. Qu'on voit beaucoup dans des feuilletons lui, hein, plutôt oui, dans les films. Ouais. C'est ça. Donc bon, pour le pitch, je vous le fais assez vite. C'est Stanley Ipkiss qui est employé de banque, qui trouve un jour un masque en bois, et quand il le met sur lui, il se transforme en personnage, en gros personnage de cartoon, oui. Parce que c'est sa personnalité qui est un peu enfouie, et donc c'est la personnalité cachée qui ressort avec le masque. Donc si un méchant remet le masque, il va être encore plus méchant normalement. Et c'est ce qui arrive également dans le film. Et donc lui, forcément, comme il est vachement cartoon, il arrive plein de gags à la Tex Avery. Alors donc The Mask est la seule comédie de Chuck Russell qu'il ait réalisé dans toute sa carrière jusqu'à aujourd'hui. Le reste c'est tout des films d'action. La suite qui n'a jamais été tournée aurait fait revenir donc Dorian. Il y a bien eu un masque 2, The Mask 2. Oui, alors ça je vais revenir là-dessus après, mais ouais. C'était pas la suite qui était prévue à la base. Ah. La suite qui était prévue à la base, donc, et qui n'a jamais été tournée, aurait fait revenir donc Dorian, le méchant, pour perpétrer de nouvelles atrocités, et le masque aurait cette fois-ci été porté par une femme, comme cela s'est produit dans le comics. Ah. Parce que de toute façon, Jim Carrey ne voulait pas retourner dans un deuxième. Donc il fallait bien trouver quelque chose, et ils étaient partis là-dessus pour faire le numéro 2. Alors le chien était bien dressé mais ne connaissait que les bases. Il n'arrivait pas par exemple à attraper le frisbee. Mais comme Jim Carrey avait un chien de la même race et qu'il s'entendait bien avec celui-là, l'apprentissage est devenu plus court. Alors moi justement j'ai une question. Oui. Tu vas peut-être pouvoir me répondre. Est-ce que c'est le même clébard que dans Ace Ventura? Là, j'en ai aucune idée. Parce que c'est exactement la même race et il ressemble vraiment. Ouais. Et dans Ace Ventura, il y a aussi un Jack Russell. Je me suis demandé si c'était le même que dans The Mask. Ah, je sais pas. Ouais, je vais essayer de trouver ça. Je sais pas si vous vous rappelez de Ace Ventura. Quoi, oui, bien sûr. Ace Ventura en Afrique. Voilà. Ace Ventura, détective pour chien et chat. C'est ça. Et le deuxième, c'était Ace Ventura en Afrique. Et curieusement, il y a un clébard qui ressemble vraiment à celui de The Mask. Je me suis demandé si c'était le même. Ah, je sais pas, je vais essayer de trouver ça. Ouais. Je vais essayer de trouver l'info. Alors donc Jim Carrey a été embauché en partie parce qu'il savait improviser. Dans la scène où il est déguisé en français, il devait fumer une cigarette de cartoon qui, en une inspiration, se consumait totalement. Or, ça n'a pas fonctionné, donc il a improvisé la fumée en forme de cœur et la flèche qui se plante dedans, en soufflant avec sa narine. Ouais, mais c'est truqué. Oui, alors d'accord. Ça, c'est truqué, mais ça a été truqué parce qu'à la base, normalement, tout devait se consumer d'un coup. Oui. Donc, comme ça s'est pas fait, c'est lui qui a improvisé ce truc-là. Alors, il faut savoir qu'après avoir chanté la chanson, donc, Cuban Pete Song, donc la chanson donc Sancho le Cubain. Alors pourquoi ils ont traduit Sancho le Cubain alors que c'était Pete pas du tout. Peter, là, Peter, franchement, j'ai cherché, j'ai pas pour trouvé. Pour la rime, peut-être, je sais pas. Peut-être, oui. Alors Jim Carrey embrasse une vieille femme, c'était pas noté dans le script à la base et tout le monde a été surpris, et elle la première hein, d'ailleurs. Non, on le voit dans des scènes coupées, elle doit juste arriver, crier et repartir en fait. Ouais. Lui doit crier en même temps, sauf que là. Pour cette prise-là, elle s'est pointée, elle a crié, il lui a chopé la tête et il lui a chopé la bouche. Ah ouais, d'accord. Donc, voilà. Et donc tu parlais du film le Fils du Masque. Ah oui, c'est ça. Qui voilà. Est, le deuxième. Donc le film donc a connu une sortie en 2005, donc le Fils du Masque. Mais celle-ci fut un véritable flop, recevant des critiques très négatives, autant de la presse que des spectateurs, récoltant un Razzie. Donc c'est les pires... L'équivalent des Gérard. C'est ça, ouais. Et 5 Stinker Bad Movie Awards et le double de nominations. Donc les Stinker Bad Movie Awards, c'est les films qui puent le plus. Hein, D'accord. Il est d'ailleurs classé 3e pire film de tous les temps sur le site Allociné quand même. Hein, donc, c'est-à-dire que c'est vraiment le film, un film très très pourri, les effets spéciaux sont pourris, le scénario est quasi inexistant, il tient... limite sur un timbre-poste. Et encore, je crois que c'est même trop grand un timbre-poste. D'accord, bah au moins ça mérite d'être dit. Donc Jean-Marie, tu l'avais vu, The Mask. Voilà. Voilà. Et tu l'avais apprécié ou pas? Bien, oui, bien sûr. Ouais. Y a pas de... bon, ça, pas c'est de sympa, hein, ça c'est sympa, Marine, tu l'avais vu. Ouais, oui, ça me rappelle toute mon enfance. C'est vrai? Ouais, j'avais 1 an à ce moment-là. Ah, donc maintenant, c'est quel âge alors? Après, ça a quand même cartonné après en VHS et en DVD. Oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, il y a Véro de Moucron là, qui nous a envoyé un petit message en nous disant qu'elle avait trouvé The Mask. Donc, félicitations à Véro de Moucron bravo, qui a Véro. Trouvé le titre The Mask. Eh bien, on est, je le rappelle, donc, avec Jean-Marie Houdemaker hein, pour ce concert qui aura lieu donc, ce vendredi ici, Fred and the Healers. Eh bien, on en reparlera juste après cette coupure musicale. Eh oui, avec Marc Morgan, un Belge, ah ouais. Qui nous chante Au train où vont les choses. Rien à voir avec Jean-Pierre ? Non, rien à voir avec Jean-Pierre Morgan. Ok. On est tous sur le même bateau, mais au train où vont les choses ? Notre avion perd de l'altitude. Nous sommes déjà plus de ce monde, nous sommes du prochain. Dans notre bolide sans frein, je me souviens des heures passées à parler de tout et de rien, juste pour jamais pressé d'arriver. Sur les hits RLM 107.9 FM. Et oui, donc dans l'émission 120 au compteur, comme tous les mardis soirs, 20h, 22h, nous sommes avec Jean-Marie Houdemaker. Bonsoir à tous. Cache ton enthousiasme, dis donc. Mais... Je recommence. Nous sommes avec Jean-Marie Houdemaker. C'est une joie totale d'être parmi vous. Bon. Et nous sommes avec Marine. La même joie totale d'être parmi vous. Ouais, mais là, il y a du plagiat, là. Il faut trouver autre chose. Hein. Alors nous sommes avec Marine. Wouhou! C'est pas d'autres qui venaient là. Sur une échelle entre 0 et 10, je donnerais 2-3. Là on y est pour rien. Et avec Sherlock bien évidemment. Oui bien sûr. Alors on est, vous avez compris, hein, cette soirée, ce soir dans l'émission, ben, on vous parle de cet événement parce que ça nous tient à cœur et on sait que ça va être un événement qui va fonctionner, qui va marcher. Donc c'est ce fameux concert, alors c'est plutôt soirée ambiance plus concert, donc ambiance blues rock and roll avec une première partie avec DJ Pimpon. Avec DJ Pimpon, oui, voilà, bien sûr, qui va se charger de chauffer la salle. Voilà, absolument, et à mon avis il va vite, très vite chauffer la salle, parce que ça chauffe très vite avec DJ Pimpon. Et ensuite évidemment il va y avoir Fred and the Healers qui va nous donner le plaisir de présenter donc leur dernier album, leur sixième album, voilà. En live complètement, et vous allez découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas encore, trois super musiciens, donc deux guitares et un batteur, et en plus les trois chantent. Ah nickel. Donc ça leur permet de faire monter l'ambiance et uniquement avec leurs compos à eux. D'accord, et d'autant plus qu'alors je vous rappelle, donc ça se passe à la Blomerie, c'est à partir de 21h, les préventes c'est 7€, alors là franchement faut pas vous en priver, ou alors le soir même 10€. En rappelant qu'effectivement de quoi il y a des breuvages si vous avez soif. Des breuvages. J'aime bien. Voilà, il y aura des consommations à des prix très démocratiques, il faut le dire aussi. Hein, tout à fait. De quoi se restaurer. Donc c'est ce vendredi ci, donc faites vite si vous voulez réserver ou acheter vos préventes, ou sinon le soir même évidemment, vous pourrez y aller. Je voulais ouvrir une petite parenthèse parce que pour moi ça me touche beaucoup. Ça, oui. Je voulais en parler parce que et ça touchera aussi Canon et beaucoup de nos auditeurs qui ont peut-être connu le petit Luca. Alors Luca en fait c'est un petit gamin qui a à peine 8 ans je pense et qui est atteint donc d'une maladie orpheline. Donc c'est la maladie de Menkès. Oui. Donc une maladie orpheline, et en fait pour l'occasion on les avait reçus hein, dans une émission précédente, donc dans une vie antérieure, on avait reçu sa maman Sarah et puis pour un événement qui se déroulait donc à l'époque, je pense c'était au mois de septembre à Seclin. Oui, c'est ça. Donc à Seclin avec un concert, il y avait Véro Solo qu'on oui. adore hein, et qui tourne beaucoup d'ailleurs dans la région. Il y avait Canon aussi qui partageait la scène et qui proposait un concert concerts donc pour récolter des fonds pour la recherche et notamment par rapport à cette maladie donc de Menkès. Et le petit Luca malheureusement nous a quitté. Donc voilà, je voulais le dire et puis ça nous touche énormément, ça nous fait de la peine et on pense bien sûr à sa maman, à ses parents, à son papa et toute sa famille qui l'entoure. Il continue le combat évidemment. Donc si vous voulez plus d'informations, hein, vous allez sur Facebook et vous tapez Luca ou la maladie de Menkès et on en parle beaucoup dans la région sur Moucron. Donc voilà, je voulais en parler, je sais, c'est triste mais il faut le dire quand même parce que ça nous touche. Ok, bon, bah ouais, on est de tout cœur avec eux parce que c'est une épreuve assez difficile. Ouais. Et à mon avis, la maladie de Menkès, c'est une sacrée saloperie. Quoi. Ouais, c'est clair. Une maladie orpheline. Bah oui, oui, voilà, et c'est toujours le problème des maladies orphelines, c'est qu'on ne se concentre pas sur la recherche, et puis, puisqu'il n'y en a pas beaucoup qui ont cette maladie, et voilà. Donc, on va continuer en musique. Oui, avec Placebo et The Bitter End. Ah ouais, tiens. J'adore. Et Placebo, le chanteur est belge, ouais. Brian Molko. Oui, ouais. Ouais. Et puis il y a une chanson que j'aime beaucoup de... Oui, bon, je vais pas mettre celle-là. Je la chanterai pas. Non, pas, tu peux la chanter voilà. Hors antenne si tu veux. Je crois que Marine connaît la chanson. Oui, je connais, oui. Effectivement. Qui commence par Embrasse-moi. Oui, c'est ouais, ça. C'est ça. Hein. On va garder la suite. À tout de suite. La musique que vous aimez, c'est sur RLM. RLM. Et oui, donc c'était Placebo avec The Bitter End. Donc tu nous as promis de chanter la chanson française de Placebo. Donc alors on t'écoute, Sherlock. Je le fais vraiment ? Non. Alors c'est vrai que non, mais alors c'est vrai que il y a, je disais hors antenne, il y a également un autre artiste dont j'ai passé un titre. Je pense que c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant. 16. Donc qui a chanté Jeune et con, qui a chanté également un autre titre. Qui était un peu plus, on va dire, un peu plus dense, qui s'appelait Sex. Ouais, voilà, ouais, et, c'est tout un programme. Ouais. Pour les gens qui nous écoutent, si vous voulez découvrir ce titre, allez sur internet, il est trouvable assez facilement. Et pour Placebo, c'était sur un album qui était sorti en 98. Ouais. Voilà. Donc, vous mais en, pouvez en également, piste cachée. Oui, oui, ça doit être. Précisons que ce sont des chansons un peu grivoises. C'est ça. Voilà, si je peux pas c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, c'est ça. Ah, bah, peut-être que Jean-Marie se propose de la chanter. On va attendre. Peut-être là, il va vendredi. Oh, peut-être à 22h30. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça marche. Dis donc. Oui. Tu vas nous donner envie de sortir au Cinoche ou pas? Bah, j'espère bien. Allez. J'espère bien. Je vais commencer donc avec les sorties cinéma pour la Belgique avec le film Demi-sœur. Ça sort, bah tiens, ça sort également demain en France, donc on va pas se priver. C'est avec Sabrina Ouazani, Charlotte Gabry, c'est Alice David, c'est un film de Safia Azdin. Et donc c'est Lorraine qui est une ravissante hit girl de 29 ans qui tente de percer dans le milieu de la mode en écumant les soirées parisiennes. Olivia, 28 ans, et un rien psychorigide, a deux obsessions, sauver la confiserie de ses parents et se trouver un mari idéal. Et à 26 ans, Salma, jeune et fougueuse professeure d'histoire, vit encore chez sa mère en banlieue. Leurs routes n'ont aucune raison de se croiser, jusqu'au jour où, la mort de leur père biologique qu'elles n'ont jamais connu, elles héritent ensemble d'un splendide appartement parisien. Et donc, pour ces trois sœurs qui n'ont rien en commun, la cohabitation va s'avérer pour le moins explosive. Il y a quelqu'un qui a un doliprane là. Vous avez compris quelque chose, Jean-Marie ? Si. Oui, mais on va faire un résumé. Il y a trois sœurs qui héritent d'un appartement et elles doivent vivre ensemble alors qu'elles ont sûrement des caractères un peu différents. C'est ça, ouais. Dis donc, tu devrais faire une chronique Cinoche chez nous, Jean-Marie. Non, je vais l'écouter, c'est tout. Moi aussi, je n'ai pas compris. Voilà. Merci, Jean-Marie. Il suffit d'écouter. Oui, voilà. Alors, donc, ensuite, je continue avec Bad Samaritan, qui est avec David Tennant, Robert Sheehan et Jacqueline Bayer. C'est un film de Dean Devlin. On n'a pas encore de date pour la France. Donc, c'est deux jeunes voleurs qui utilisent leur boulot de voiturier comme façade pour camoufler leur cambriolage. Un jour, ils s'en prennent à la mauvaise maison et découvrent que l'homme qu'ils cambriolent est en fait un kidnappeur et très certainement un serial killer. Un quoi ? Un serial killer. Un quoi ? Un tueur en série. Ah, tu veux dire un serial killer. Oui, c'est ça. Alors, je ne sais pas si tout le monde va comprendre cette vanne, parce que... Ouais, ça date de la Cité de la Peur, bah ouais, justement, en ouais. 80... Mais je crois que là, vous aviez compris autour de la table, non ? Un petit peu. Ouais, bon, ça va, ça date de 95, je pense, à peu près. Ouais, ouais. Alors, donc, ce dernier donc, va découvrir qu'ils connaissent son secret et va tout faire pour les faire taire. Et ça a l'air vraiment sympa. J'ai vu la bande-annonce. Plutôt thriller ? Oui, c'est plutôt un thriller, effectivement. Un quoi ? Non, arrêtez, hein. Alors, ensuite, il y a l'extraordinaire voyage du fakir. Donc, qui sort en Belgique et en France demain. Donc, c'est avec Danouche. Avec Danouche. C'est qui ça, Danouche ? C'est son nom, son vrai nom. Il s'appelle Danouche. Je sais pas s'il a un prénom. C'est français ? Non. Enfin, le film, oui. Et encore, je ne sais pas. Non, franchement, je pense pas. C'est de Ken Scott, donc non, ça ne doit pas être français. Donc l'acteur principal s'appelle Danouche. C'est un Indien d'Inde, pas un Indien d'Amérique, c'est un hindou. Ouais. Il y a non, également c'est pas un hindou, c'est un Indien. Un hindou, c'est la religion. Oui, bon d'accord, mais les bon d'accord. Bam. Ça y est, bon. Alors donc c'est avec Bérénice Bejo et également Gérard Jugnot. Donc c'est Aja, alors j'ai pas noté son nom complet parce que c'est trop long, c'est Aja Soustra ou quelque chose. Ouais. Donc c'est Aja qui est un jeune arnaqueur de Mumbai qui entame à la mort de sa mère un extraordinaire voyage sur les traces du père qu'il n'a jamais connu. Il rencontre l'amour à Paris dans un magasin de meubles suédois, on ne va pas donner le nom, hein. Le danger en compagnie de migrants somaliens en Angleterre, la célébrité sur une piste de danse à Rome, et comprend finalement que c'est la vraie richesse, ce qu'est la vraie richesse, pardon, et qui il souhaite devenir. Le magicien devra faire l'impossible pour retrouver celle qui a conquis son cœur. ça a l'air vraiment sympa. J'ai regardé la bande-annonce, ça a l'air vraiment sympa. C'est un peu burlesque, mais c'est super rigolo. Ok. Alors, donc, et je vais finir avec le film, je pense, que tous les Belges vont s'empresser d'aller voir demain en salle. Ça sort également en France, ça s'appelle Monquette. Monquette, ouais. Monquette, c'est qui avec, veut dire c'est mon fils. Exactement, ouais. Alors, c'est de et avec François Damiens, Matteo Salamone et Tatiana Tojo. Donc c'est Dany Versavel qui a un souci avec son fils. Donc Dany est joué par François Damiens. Donc son fils a 15 ans, donc il s'appelle Sullivan. Il ne veut plus d'un père qui fait le king derrière les barreaux. Pour Dany, son quête, c'est sa vie. Hors de question de le laisser filer. Il décide donc de s'évader de prison prématurément. Entre cavale, magouille et petit bonheur, il a tant de choses à lui enseigner. Un apprentissage à son image, au pied de biche, sans pudeur ni retenue, mais là où l'on pouvait craindre le pire, se cache peut-être le meilleur. Alors, le film apparemment a été tourné complètement en caméra cachée. Oui. À voir les images, j'ai des doutes sur certains plans quand même, parce que je me dis, ils ont dû rentrer par effraction chez des gens ou des choses comme ça, parce que à un moment, je crois qu'ils sont chez un psy et lui, il sort des atrocités. Le psy en revient pas, alors il doit quand même bien y avoir des caméras cachées quelque part, mais là où elles sont placées, je me dis, ils ont dû faire du repérage avant, c'est pas possible. Ouais. Après, si c'est un peu comme l'autre là, avec des caméras cachées, finalement c'était du préparé à l'avance et avec des comédiens. Enfin bon, après, j'imagine qu'il va y avoir une part quand même de. Bon, de François Damiens fait vraiment des caméras cachées. Hein, ouais. Mais, là, je pense que bon, il y a peut-être quelques scènes qui ont été quand même tournées avec le consentement des gens. Bah, ils sont obligés de toute façon. Ah oui, de toute façon. Enfin, oui, ou alors s'ils le floutent à chaque fois, ça doit pas être terrible. Non. Et le premier à avoir créé la caméra cachée, c'est Pierre Bellemare. Ah, c'est Pierre Bellemare. Exactement. Ah d'accord, ouais. Je croyais que c'était Jacques Roulant, moi. Ouais, non, c'est ça. Non, avec Pierre Bellemare. Jacques Roulant et Pierre Bellemare, voilà. Okay. C'est eux qui préparaient les histoires. On a vu quelques extraits cette semaine de. Une porte sans vitre qu'il faut pousser, il y en a 3 sur 4 qui passent à travers. Quoi. Oui. Ouais. Voilà, marrant, ça hein. C'est une création Roulant et Bellemare. Ouais, ok. On a la Bible avec nous. Ouais, t'as vu ça? Ouais. Allez. Bon, on se retrouve tout de suite après Luc et la Sentinelle. Eh ben vas-y. ta rengaine, avale donc tes sanglots, de l'amour ou de la haine, qui donc aura bon dos? Juste cri de guerre, pas en faux frère, mais en son nom, je donne ma main à l'enfer, sous le crachat ma rédition. Est-ce que la fièvre est un délit d'opinion? Est-ce que ma peine était un vote de sanction? Et la sentinelle qui trouve réponse à mes questions, serait-ce la bête? Serait-ce la bête? Ou bien l'oppression? Toute la musique que vous aimez, c'est sur RLM. RLM. Et donc vous êtes toujours dans 120 au compteur. Donc pour vous rappeler l'événement qui va se passer vendredi et au domaine de la Blommerie, pardon, une soirée blues rock'n'roll avec le groupe Fred and the Healers. Fred and the Healers, donc qui, tu disais tout à l'heure, Jean-Marie, qui a vendu déjà plus de 30 000 albums. Ils ont vendu 30 000 albums, ils en ont sorti 5, et ici, donc, leur sixième qui était en préparation est maintenant terminé. Il sortira en septembre, mais nous aurons la primeur de oui, l'entendre vendredi soir à partir de 21h. Donc, rendez-vous au domaine de la Blommerie, c'est facile à trouver, tout le monde connaît, même les Français connaissent maintenant. Donc là où nous faisons nos autres soirées, voilà, sur la route de Moucron d'Otny. Ah bah oui, maintenant c'est un lieu incontournable des soirées. J'en profite aussi pour vous dire que sur YouTube, il y a pas mal de vidéos, des super vidéos d'ailleurs oui. de Fred and the Healers. Si vous voulez vous faire une petite idée de ce qu'ils font, effectivement, bah c'est du lourd. On va vous passer un petit titre hein, tout à l'heure, évidemment, oui. De Fred and the Healers. Moi, j'ai envie de vous faire une petite annonce. Je vous l'avais déjà faite, mais je le fais parce que ça, c'est jusqu'au 8 juin. Si vous avez l'âme de comédien, danseur, chanteur par exemple, que vous soyez homme ou femme, tiens pour le coup, eh bien sachez qu'il y a la troupe de comédie musicale hein, qui existe depuis plus de 35 ans maintenant à Waterloo et qui tourne un peu partout dans la région. Ils recrutent, voilà, ils recrutent, on renouvelle un petit peu l'équipe de comédiens, de chanteurs et de danseurs. Et donc bah voilà, donc si vous avez envie de faire partie d'une équipe, alors il faut savoir qu'ils sont plus d'une quarantaine, hein, à la fois techniciens, comédiens, chanteurs, danseurs. Il y aura un casting qui va être organisé. Il faut vous inscrire tout simplement sur la page Facebook donc de la troupe Évasion. C'est pas très compliqué, vous tapez troupe Évasion spectacle et là vous tomberez donc sur la page Facebook et puis vous envoyez un petit message à la responsable en disant bah voilà, bah moi j'aimerais pourquoi pas être comédien ou chanteur ou danseur ou les trois à la fois, puisque là on est en, alors je dis on parce que j'en fais partie évidemment, on est en préparation donc du nouveau spectacle qui devrait voir le jour je pense en fin d'année. Donc voilà, il y a des places à prendre, des rôles à la fois de comédien, il y a des chansons à interpréter aussi également en sachant que c'est du direct hein, c'est pas du playback, et puis il y a aussi de la danse. Donc Marine, si tu as envie de soit de chanter, soit de danser, soit de faire la comédie, sache que la troupe Évasion spectacle organise donc un casting à mon avis dans les semaines à venir, mais il faut s'inscrire avant le 8 juin. Chanter par contre ça va être compliqué. Ouais, danser tu pourrais. Vous non plus en fait. D'accord, la comédie tu peux. Peut-être. Ah bah oui, bah, quand on est animatrice radio déjà on sait faire de la comédie. Hein Sherlock? Bien sûr. Bah voilà, pas vrai Jean-Marie? Ouais, parfaitement. Voilà. Bon, et bien on va se faire une petite coupure musicale et on va se retrouver avec un titre juste après de Fred and the Healers. Oui, alors on part avec les Maroon 5 et Move Like Jagger. Ah ouais, oh, tu l'aimes bien celui-là. C'est possible. Oui, parce que je pense que tu l'as déjà passé. Ouais, tu l'aimes beaucoup. Ouais. Oh. Excellent groupe. Ouais, excellent groupe. Et il est pas belge celui-là, si. De quoi? Maroon 5. Maroon 5, non, du tout, c'est les Américains. Américains. Ah bon. Oh, pardon, autant pour moi. Et ensuite, on reviendra donc avec un titre de Fred and the Healers, c'est Is That a Shame? Ah, est-ce que c'est une honte? Bah, je ne sais pas, on écoutera ça tout à l'heure. Eh bah, ok, ça marche. Allez. Just shoot for the stars if it feels right. make me smile. Take control on me just for the night. But if I share my secret, you're gonna have to keep it. Nobody else can see this. FM. We gotta talk about that. It's not a shame, yeah. Et c'était Fred and the Healers avec Is That a Shame. Alors si vous avez adoré le titre, eh ben écoutez, il y a une bonne nouvelle, Jean-Marie va nous l'annoncer. Ils seront présents ce vendredi, dans trois jours, ils seront présents à la Blomerie et donneront un concert total et présenteront leur nouvel album en même temps qu'une soirée complètement dédiée au blues rock and roll. Donc le restant de la soirée sera animé par notre DJ Pimpon. Donc vous aurez droit au DJ, au concert, et on terminera la nuit avec notre DJ, toujours sur le même thème musical, blues, rock'n'roll. Et ça se passera donc à la Blomerie, à Boucron. Alors là, franchement, il y a tout, tout est réuni pour que ce soit une super soirée. C'est clair. C'est 7 euros en pré-vente, 10 euros le soir même. Donc exact. C'est donné. On a vraiment fait au minimum pour voilà, faire un concert. Voilà. Exactement, c'est donné. Par contre, j'insiste fortement parce que c'est vite rempli. Je le sais, en ayant vécu quelques soirées de Jean-Marie, c'est plutôt blindé. Donc, n'hésitez pas déjà à faire à aller chercher votre ticket en pré-vente ou alors le soir même. Mais si vous venez le soir même, venez à partir de 21h. Parce que c'est vite si vous voulez être dans les premières places, puisqu'il y a 100 places assises. 100 places assises. C'est debout. Si vous avez envie de vous asseoir, enfin normalement c'est pas normal, on devrait pas s'asseoir quand c'est ce type de. Ce type ah oui, de c'est ça. Mais, oui, mais certaines personnes qui sont un peu plus âgées ou qui viennent de très loin parce qu'ils suivent le groupe depuis très longtemps, soit sont âgées, soit ont parfois un petit handicap qui leur permet pas de rester 4 ou 5 heures le temps que, de debout, donc en étant assez près de la scène. Voilà, voilà, absolument. Donc, je vous le rappelle, c'est ce vendredi-ci, donc à la salle de la Blomerie, belle salle de réception. Donc, Fred and the Healers avec DJ Pimpon avant et après. Donc, de quoi passer une soirée entre 21h et jusque tard dans la nuit, exclusivement donc blues and rock and roll. C'est organisé par Jean-Marie Houdemaker. Alors, franchement, c'est un gage de qualité, forcément. Qui vous remercie de votre accueil et de m'avoir permis de venir passer deux heures en votre excellente compagnie. Eh bien, écoute, ça fait vraiment plaisir. Nous, on te remercie de nous faire confiance à chaque fois de venir dans nos studios pour parler de tes soirées. Absolument. Parce que RLM est une radio. Bien sûr. Une belle radio et qu'on a rejoint maintenant, ça fait trois mois. Voilà. Eh oui, c'est vrai. Qu'on a rejoint cette radio et on est bien content. Moi, une petite annonce. Oui, le 21 juin. Alors, j'en parle maintenant parce que. C'est la fête de la musique. C'est la fête de la musique, évidemment. Alors, il va y avoir plein de choses. On vous en parlera les moments venus. Je suis sûr que Jean-Marie aussi aura de l'actualité pour la fête de la musique. Je pense que oui. Mais il y en a une qui nous tient à cœur. C'est celle de Marie Plateau. Oui. Avec Blue Lullaby, le groupe Blue Lullaby et notre ami Canon qui viendront chanter donc au bureau. Donc au bureau alors. Enfin, pas dans les bureaux de la radio. Hein. Non, vous connaissez ce fameux restaurant pub au bureau. Donc c'est le 21 juin. Donc alors par contre je ne me souviens plus mais je crois que c'est Villeneuve d'Ascq. Hein. C'est celui de Seclin. De Seclin, ouais, que je ne dis pas de bêtises. C'est à Seclin, donc c'est le 21 juin, donc à partir de 19-20h, enfin bref, et puis ils vont passer toute la soirée donc à chanter, à faire des reprises. Il y aura peut-être You Raise Me Up. Oh, bah. Oui, il y a peut-être des chances, effectivement. Voilà, donc, mais ça, on en reparlera évidemment, puisque Canon sera avec nous donc, la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vous rappelle qu'on recevra donc. Le gagnant, donc le champion d'Europe de karaoké, donc Richard Alexandre qui sera avec nous. Il y aura également donc Kaina qui a terminé quatrième au championnat et qui viendront présenter aussi leurs albums parce que je sais qu'ils ont aussi fait leurs albums. Et on recevra aussi dans deux semaines, et là bah, j'en profite, hein, Zaharia pour son album donc Fairy of the Cloud, donc un très bel album que je vous conseille. On écoutera d'autres morceaux évidemment et ce sera dans deux semaines. Et puis dans deux semaines, je pense qu'on recevra aussi DJ Stéphache. Oui, le 12, oui, effectivement, DJ Stéphache. Alors c'est pas la semaine prochaine justement, apparemment il a un petit impératif. En même temps, il a commencé sa nouvelle émission donc. Oui, samedi, dis donc. Je pense qu'il prend déjà la grosse tête. Ça y est, il se dit j'ai commencé mon émission, je ne viens plus le premier mardi du mois, je vais venir le deuxième. Ça y est. Ça y est. Tiens, dis donc. J'ai vu qu'il était en très très bonne compagnie. Nous avions eu un contact avec. Alors je ne sais pas si vous connaissez avec Emiliane Charlotte. Alors Emiliane Charlotte qu'on connaît depuis très longtemps. Et qui tourne actuellement avec Jean Roucas, avec Bernard Mabie, avec les fameux chansonnier, comme on dit, sur Paris, au Théâtre des Deux Ânes, où elle se produit donc tous les soirs sur un spectacle autour de la politique, hein, on aime ou on n'aime pas, mais on se s'y dit. Et elle a rejoint depuis quelque temps donc l'orchestre du Splendide, avec un salsa du démon, Macao, j'en passe, et des meilleurs, donc, et qui elle aussi également a ses propres albums. Et elle était avec Stéphane hier soir sur Lille, et elle nous a promis de venir passer dans les studios pour nous parler de son actualité, et Dieu sait qu'elle est riche. Voilà, et bien il nous reste que quelques minutes, alors le temps de rappeler cette soirée, si tu devais nous résumer en quelques mots la soirée donc de ce vendredi, Jean-Marie, tu nous dirais quoi? Je dirais que c'est un tout nouveau concept de soirée que nous allons créer, donc on vous demande de venir y participer. Vous allez découvrir une soirée qui va commencer avec une partie DJ, qui va se continuer avec un concert live d'environ 2 heures, et qui se terminera très tard avec le DJ. Et tout se passera sur un même thème musical, qui est le blues rock and roll pour cette fois-ci. Et si ça plaît aux gens, bah, croyez-moi, on recommencera avec autre chose. Avec un thé dansant, par exemple. C'est peut-être possible. Avec Michel Prouvot à l'accordéon et tout ça, c'est peut-être un truc, non, hein, aussi. Très sympa, Michel Prouvot. Ah oui, il est sympa, mais après, de là, faire toute une soirée, tu... C'est pas mal, ça peut être bon quand même. Ah ouais, d'accord, bon, à étudier. Tout est ouvert. Eh bien, on va se quitter là-dessus. Le temps de saluer Jean-Marie. Merci à toi, Jean-Marie. Merci à vous. Et puis bah, rendez-vous vendredi, parce que nous y serons évidemment, donc oui. À la Blomerie. On remercie Marine. Merci à vous. Voilà. Merci Marine. Voilà Marine, que vous retrouverez à mon avis très vite dans une émission, sa propre émission sur les ondes de RLM. Ça va s'appeler comment, le Marine Show ou... C'est bien le Marine Show, ouais. Le Marine. Ouais. Non. Je vais vous mariner. Ouais, ça va. Il faudrait que tu réfléchisses. C'était trop facile, ça, du coup. Ah non, mais bon, voilà. Et puis, bah, merci à Sherlock, évidemment, pour les chroniques Sinoche. Ouais, merci à vous de m'avoir. Ouais, bon, c'est bon. Tu peux dire merci, c'est bon, on a tout compris. Voilà. Tout est dans le mot merci. C'est bon, il connaît quand même beaucoup de choses. Merci de m'avoir écouté pendant ces 2 heures. Ouais, enfin, on t'a peut-être pas écouté, mais. Merci de m'avoir soutenu. Bon, d'être là, en fait. Non, non, non, mais bien sûr. Et puis, donc, n'hésitez pas à nous balancer vos coms sur notre page officielle 120 au compteur sur RLM. Et on sera un plaisir de vous y répondre. Et puis, on relayera encore l'information pour la soirée de vendredi. Bah d'ici là, portez-vous bien, et puis bah, n'oubliez pas qu'on émet 24h sur 24, donc vous pouvez écouter la radio quand vous voulez. Et puis demain matin, bien sûr, à partir de 7h, c'est les matinales d'Arnaud. Oui. Donc de 7h à 10h, si vous voulez des infos, les actualités, et puis la température, la météo et tout. Et puis la fameuse Sophie qui vous parlera donc de l'actualité. Alors Arnaud essaye à chaque fois de donner des titres de films à regarder. La semaine dernière, il m'a dit ouais, je vais te trouver un film de plus de 3 heures, parce qu'il savait que j'avais pas le temps. Ah oui. Donc je lui ai dit bah attends, parce que nous la prochaine fois on va te lancer les petits défis à l'antenne que tu devras faire dans les matinales. Déjà pour trouver un film de plus de 3 heures, il y en a beaucoup. Si, il y en a beaucoup. Mais on va en parler hors antenne, et pour la semaine prochaine on va essayer de trouver un défi à Arnaud. Ça marche. Allez, ciao, bye, portez-vous bien.